بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف comme d'habitude une brève révision de ce que nous avions pu voir la semaine dernière. Quels sont les trois points qui ont été évoqués par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Usul al-Thalatha, ces trois points qui sont impératifs, qui sont une obligation pour tout musulman et musulmane de connaître et de mettre en pratique. Barakallah, c'est comme ceci. C'est encore partie de l'introduction, comme nous l'avions vu précédemment, il avait évoqué rahimahullah quatre points qui sont la science, l'ilm, l'amaloubi, le fait d'œuvrer sur cette science, le fait d'appeler à cette science, et as-sabr 'ala al-adha fihi, c'est-à-dire le fait de patienter face aux nuisances que peuvent engendrer cette science à laquelle nous avons appelé. Puis, il évoqua trois points qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane de connaître et de mettre en pratique. Quels sont ces trois points? Celui-ci fait encore partie de son introduction à ce livre Al-Usul al-Thalatha, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore entré, rahimahullah, jusqu'ici dans les trois fondements. Le premier de ces fondements que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, qui est « Quel est ton Seigneur ?» Donc ces trois questions, ces trois points, quels sont-ils? En résumé, s'il vous plaît. Ahmad, أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أحسنت. والمسألة الثالثة أن من وحد الله وأعطى رسوله لا يجوز له موالة لا يجوز له موالة أو موالة. موالاة من؟ نعم موالاة من حد الله ورسوله. أحسنت. فلو كان أقرب قريب. أحسنت أحسنت جزاك الله خير. En français, est-ce que Yahmadou vient de nous rappeler ces trois points? Est-ce que quelqu'un peut le résumer en français? Trois points rapidement en français. Trois dollars. Allah ne nous a pas créé sans but. Ahsant. Il ne nous a pas délaissé. Il a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis. Quiconque lui désobéit ira en enfer. Ahsant. La première. Le deuxième. Qu'Allah n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit, ni un ange, ni un prophète. Ahsant. La troisième. L'alliance est des aveux. Ahsant. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Ahsant. Barakallah. Ceci sont les trois points qu'il est impératif, qu'il est obligatoire à tout musulman et musulmane de connaître et de mettre en pratique. On avait vu le sens de Al-Mu'ala, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par le fait de s'allier, al-mu'ala, on avait détaillé et donné son sens. Quel est son sens? Ou quels sont les deux points que renferme al-mu'ala, c'est-à-dire l'alliance? Fadra. Ahsant, al-mahabba wa al-nusra. C'est-à-dire que al-mu'ala, cette mu'ala qui est interdite ici, dont on parle, c'est celle qui aura qui aura comme sens ces deux points, qui sont le mahabba ou le nusra, c'est-à-dire en français l'amour et le secours. Ahsant, l'amour et le secours. Une personne qui fait du commerce avec les gens du livre. Une personne qui est un musulman qui fait du commerce avec les gens du livre, c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'acheter et de vendre avec des gens du livre. Normalement, vous répondez tous. Ça ne rentre pas dans cela. C'est pour ça qu'on a évoqué que le mu'ala, ici, à propos de laquelle nous parlons, celle qui contient le sens de al-mahabba wa al-nusra. Le fait d'aimer ces gens-là, de les aimer pour leur religion, pour ce qu'ils défendent dans leur religion, et al-nusra, les secourir dans cela. Nous avions vu la différence entre le messager et le prophète. Ar-Rasoul wa al-Nabi. le messager et le prophète. Quelle est la différence entre les deux? Ou plutôt, quel est le sens de chacun d'entre eux, ces deux termes? On entend Ar-Rasoul ou An-Nabi. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que les deux sont la même chose? Kamel Fadr. Ar-Rasoul, man ouhiya ilayhi bi shar' wa umira bi tablighi. Wa An-Nabi, man ouhiya ilayhi wa ursila bi shar'i Ar-Rasoul alladhi sabaqa. Ahsant, ahsant. Ahsant. En français, s'il te plaît, Kamel. Le messager, c'est celui qui. À qui Allah a révélé une législation et qui a ordonné de transmettre. Et le prophète, c'est celui à qui Allah a révélé et qui l'a envoyé avec la législation du messager qui l'a précédé. Ahsant. Il a ordonné de transmettre et de transmettre ce qui lui a été révélé et d'appeler à la législation d'un messager qui l'a précédé. La différence entre eux, c'est de là. Est-ce qu'il y a parmi les femmes des prophétesses? Il n'y a pas de prophète chez les femmes. Est-ce qu'il y a des prophètes chez les djinns? Nous avions évoqué chez les djinns. Est-ce qu'il y a des prophètes? Non. Non. Plutôt, on a dit qu'il y avait des nodours. Nodours, qui est le pluriel du nadir, qui sont les avertisseurs. Un nadir, c'est l'avertisseur. C'est-à-dire qu'il y a des nodours, il y a des avertisseurs chez les djinns. Il n'y a pas de prophètes. Un dernier point. Non, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, pour la révision.